c'est ça que ça fait. On mélange le vent de l'avant. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de l'avant de l'avant. On sait que ça fait. Dans un mélange de l'avant, de l'avant. on sait qu'est-ce que c'est. Un mélange de la vente, le vent. Oui, c'est un mélange de la vente, de la vente, on sait qu'est-ce que c'est. Mélange de la vente, de la vente. Qu'est-ce que c'est?